La salle des profs perdus de Victoria Cario. Premier épisode. Voilà. Chers collègues. C'est un bon début. Bon, malheureusement, ça suffira pas. Bon, attends. Je vais reprendre les notes que j'avais prises. Voilà. C'est nul. Bon, montre-moi ça. Chers collègues, ça c'est décidément un très bon début. Ensuite, ce que je souhaite dire aujourd'hui, c'est que depuis 35 ans, dans l'éducation nationale, rien n'a changé. J'irai plus loin en vous faisant part d'une récente idée, n'ayons pas peur des mots, d'un concept. Ce concept, c'est celui de l'éternel prof. Non, mais c'est très bien ça. Oui, tu crois? Mais oui. Ensuite. Et si le concept d'éternel me déplaît fortement lorsqu'on l'utilise pour stigmatiser ce féminin qui ne veut rien dire, il me convient parfaitement pour caractériser ce qui est au fondement de notre belle profession. N'y a-t-il pas quelque chose d'éternel, de magiquement et de tragiquement éternel, dans ce qui se joue lorsqu'il est question d'échange, de transmission et donc d'éducation? Je le pense vraiment que rien n'a changé. Je me souviens de cet élève que j'avais eu au tout début de ma carrière. Chloé? Non, Cléo. Voilà, Cléo. Elle avait toujours un gros casque de Walkman sur les oreilles. C'était pas moins gênant que les portables, les Walkman. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? 1981. Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules. Elles s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Et le vent de l'aube au soir, faire éternellement, dans la même prison, le même mouvement, accroupi sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche, on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, il travaille. Cléo? Cléo? Cléo, s'il vous plaît, vous pouvez retirer votre casque? Cléo, vous m'entendez? Pardon? Je vous demande d'éteindre votre Walkman. Et j'arrive pas à me concentrer sans musique. Puis Victor Hugo, c'est vraiment un gros con. Bon, vous passerez me voir en salle des profs à midi. J'ai à vous parler. Décidément, plus personne ne peut vivre sans musique. Hein. Bon, tiens, installe-toi. Cléo, alors, qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, pas rien. Depuis le début de l'année, vous êtes en retard. Vous avez des cernes jusqu'au menton et vos jupes raccourcissent plus vite que les jours en hiver. Tout ça serait sans importance si vous n'aviez pas l'air si... Ben, si mélancolique, triste. C'est l'amour, madame. L'amour? Bah oui. C'est l'amour qui me rend triste. Je vis une histoire d'amour. Et comme les plus belles histoires d'amour, elle est vraiment très compliquée. Ah. Avec un camarade de classe, c'est ça? Mais non. Non, je vous parle d'une vraie histoire d'amour avec un homme. Un vrai, un poète. Non, franchement, madame, pourquoi vous nous faites étudier ce poème d'Hugo? On dirait de la propagande catholique. C'est misérabiliste, ça se lamente, c'est... C'est vraiment dégueulasse. Cléo, Victor Hugo est un poète engagé. Je vois pas ce qu'il y a, comme vous dites, de dégueulasse à vouloir dénoncer le travail des enfants qui, à son époque, était un véritable fléau. Mais justement, madame, c'est ça qui est dégueulasse. Non, dites agaçant ou énervant, s'il vous plaît, Cléo. D'accord, si vous voulez. Ce qui est agaçant, révoltant même. Voilà, révoltant, c'est mieux. C'est qu'il utilise ses pauvres enfants pour se faire de l'argent sur leur dos. Comment ça? Non, mais clairement... Ce soi-disant poète n'a rien à raconter. Je veux dire, rien de vraiment essentiel. Rien de personnel. Il est porté par aucune flamme. Alors plutôt que de se creuser la cervelle pour trouver un sujet vraiment intéressant, il prend la première cause qui va faire pleurer dans les chaumières et il nous en tartine des lignes et des lignes. Non, des vers, Cléo. Ce sont des vers. Oui, voilà, des vers et des vers de bons sentiments. Et ce qui est le plus horrible dans cette histoire, c'est que plus de 100 ans plus tard, on doit encore se les avaler. Tout ça parce qu'un imposteur n'avait rien à raconter, et plutôt que Cléo, rien ne vous oblige à apprécier Hugo. Je comprends d'une certaine façon votre point de vue. Cependant, là où je ne peux pas être d'accord, c'est quand, en classe... Et la poésie, C'est une chose tellement importante dans la vie, madame. La poésie, c'est un souffle, ça vous fait décoller, c'est... Keats, quand je le lis, me fait dilater les pupilles. J'ai remarqué ça dans la glace. Pourquoi vous ne nous feriez pas étudier des vrais poètes, des poètes qui nous parlent, à nous, à notre génération, comme par exemple Patti Smith? The murdered boy. The murdered boy. The murdered boy. Oh, I was bad. Didn't do what I should. Mama catch me with a licking. And tell me to be good. When I was bad twice times, she pushed me in a hole and cut off all my fingers and laid them in a finger bowl. My mother killed me. My father grieved for me. My little sister Amalie wept under the almond tree. La récitation de Cléo en salle des profs. Denis, notre jeune et beau prof de dessin de l'époque, était entré. Et ils avaient continué à réciter en chœur. La veille, ils étaient au même concert, au palace. Et il y passait ses nuits, il n'avait pas osé nous le dire. Patti Smith, depuis, ne m'a plus quitté. Tiens, si j'écoutais Horses. Cléo, petite icône rock. Elle et moi, on avait au moins un point commun. Moi non plus, je n'ai jamais aimé la poésie de Victor Hugo. La salle des profs perdus de Victoria Cario. Avec Sabine Autepin, Yves Pignot, Chloé Chaudois, Sophie Miran, Sylvia Conti. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort et Jean du Cimetière. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Cédric Ossire.